Section 4 de Mémoire d'Outre-Tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Première partie, livre 1. Mémoire. Sicut nubes, quasi naues, velut umbra. Job. Première partie. Année de jeunesse, le soldat et le voyageur. 1768-1800. Livre premier. Ce livre a été écrit à la Vallée aux Loups, près d'Aulnay, d'octobre 1811 à juin 1812. Naissance de mes frères et sœurs, je viens au monde. Plancoët, vœux, Combourg. Plan de mon père pour mon éducation. La Villeneuve, Lucille, Mademoiselle Coupard. Mauvais écolier que je suis. Vie de ma grand-mère maternelle et de sa sœur à Plancoët. Mon oncle, le comte de Bédé, à Manchois. Relèvement du vœu de ma nourrice, Géril. Hervin Magon, combat contre les deux mousses. Il y a 4 ans, qu'à mon retour de la Terre Sainte, j'achetais près du hameau d'Aulnay, dans le voisinage de Sceaux et de Châtenay, une maison de jardinier, cachée parmi les collines couvertes de bois. Le terrain inégal et sablonneux, dépendant de cette maison, n'était qu'un verger sauvage, au bout duquel se trouvait une ravine et un taillis de châtaigniers. Cet étroit espace me parut propre à renfermer mes longues espérances. Spatio brevi spem longam reseques. Les arbres que j'y ai plantés prospèrent, ils sont encore si petits que je leur donne de l'ombre quand je me place entre eux et le soleil. Un jour, en me rendant cette ombre, ils protégeront mes vieux ans comme j'ai protégé leur jeunesse. Je les ai choisis autant que je l'ai pu des divers climats où j'ai erré. Ils rappellent mes voyages et nourrissent au fond de mon cœur d'autres illusions. Si jamais les Bourbons remontent sur le trône, je ne leur demanderai en récompense de ma fidélité que de me rendre assez riche pour joindre à mon héritage la lisière des bois qui l'environnent. L'ambition m'est venue. Je voudrais accroître ma promenade de quelques arpents. Tout chevalier errant que je suis, j'ai les goûts sédentaires d'un moine. Depuis que j'habite cette retraite, je ne crois pas avoir mis 3 fois les pieds hors de mon enclos. Mes pins, mes sapins, mes mélèzes, mes cèdres, tenant jamais ce qu'ils promettent, la vallée aux loups deviendra une véritable chartreuse. Lorsque Voltaire naquit à Châtenay, le 20 février 1694, quel était l'aspect du coteau où se devait retirer en 1807 l'auteur du génie du christianisme? Ce lieu me plaît. Il a remplacé pour moi les champs paternels. Je l'ai payé du produit de mes rêves et de mes veilles. C'est au grand désert d'Atala que je dois le petit désert d'Aulnay. Et pour me créer ce refuge, je n'ai pas, comme le colon américain, dépouillé l'Indien des Florides. Je suis attaché à mes arbres. Je leur ai adressé des élégies, des sonnets, des odes. Il n'y a pas un seul d'entre eux que je n'ai soigné de mes propres mains, que je n'ai délivré du ver attaché à sa racine, de la chenille collée à sa feuille. Je les connais tous par leur nom, comme mes enfants. C'est ma famille. Je n'en ai pas d'autre. J'espère mourir auprès d'elle. Ici, j'ai écrit les martyrs, les abancérages, l'itinéraire et Moïse. Que ferai-je maintenant dans les soirées de cet automne? Ce 4 octobre 1811, anniversaire de ma fête et de mon entrée à Jérusalem, me tente à commencer l'histoire de ma vie. L'homme qui ne donne aujourd'hui l'empire du monde à la France que pour la fouler à ses pieds, cet homme dont j'admire le génie et dont j'abhorre le despotisme. Cet homme m'enveloppe de sa tyrannie comme d'une autre solitude. Mais s'il écrase le présent, le passé le brave, et je reste libre dans tout ce qui a précédé sa gloire. La plupart de mes sentiments sont demeurés au fond de mon âme, ou ne se sont montrés dans mes ouvrages que comme appliqués à des êtres imaginaires. Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, je veux remonter le penchant de mes belles années. Ces mémoires seront un temple de la mort élevé à la clarté de mes souvenirs. Commençons donc, et parlons d'abord de ma famille. C'est essentiel, parce que le caractère de mon père a tenu en grande partie à sa position, et que ce caractère a beaucoup influé sur la nature de mes idées, en décidant du genre de mon éducation. Je suis né gentilhomme. Selon moi, j'ai profité du hasard de mon berceau. J'ai gardé cet amour plus ferme de la liberté qui appartient principalement à l'aristocratie dont la dernière heure est sonnée. L'aristocratie a trois âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le dernier. On peut s'enquérir de ma famille, si l'envie en prend, dans le dictionnaire de Moréry, dans les diverses histoires de Bretagne, de d'Argentré, de Don Lobino, de Don Maurice, dans l'histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, du père Dupaz, dans Toussaint de Saint-Luc, le Borgne, et enfin dans l'histoire des grands officiers de la couronne du père Anselme. Les preuves de ma descendance furent faites entre les mains de Chérin pour l'admission de ma sœur Lucille comme chanoinesse au chapitre de l'Argentière, d'où elle devait passer à celui de Remiremont. Elles furent reproduites pour ma présentation à Louis XVI, reproduites pour mon affiliation à l'ordre de Malte, et reproduites une dernière fois quand mon frère fut présenté au même infortuné Louis XVI. Mon nom s'est d'abord écrit Brien, ensuite Brillant T et Brillant D par l'invasion de l'orthographe française. Guillaume le Breton dit Castrum Briani. Il n'y a pas un nom en France qui ne présente ces variations de lettres. Quelle est l'orthographe de Du Guesclin? Les Briens, vers le commencement du XIe siècle, communiquèrent leur nom à un château considérable de Bretagne, et ce château devint le chef-lieu de la baronnie de Châteaubriant. Les armes de Châteaubriant étaient d'abord des pommes de pin, avec la devise « Je sème l'or ». Geoffroy, baron de Châteaubriant, passa avec Saint-Louis en Terre Sainte. Fait prisonnier à la bataille de la Massoure, il revint, et sa femme Sibylle mourut de joie et de surprise en le revoyant. Saint-Louis, pour récompenser ses services, lui concéda à lui et à ses héritiers, en échange de ses anciennes armoiries, un écu de gueules semé de fleurs de lys d'or. « Qui et eius oeredibus » atteste un cartulaire du prieuré de Béret. « Sanctus Ludovicus tum francorum rex propter eius probitatem in armis flores lii auri loco pomorum pini auri contulit. » Les Châteaubriants se partagèrent dès leur origine en trois branches. La première, dite « Baron de Châteaubriant », souche des deux autres, et qui commença l'an 1000 dans la personne de Thiern, fils de Brienne, petit-fils d'Alain III, comte ou chef de Bretagne. La seconde, surnommée « Seigneur des Roches Baritaux » ou « du Lion d'Angers ». La troisième, paraissant sous le titre de « Sire de Beaufort ». Lorsque la lignée des Sires de Beaufort vint à s'éteindre, dans la personne de Dame Renée, un Christophe II, branche collatérale de cette lignée, eut en partage la terre de la Guérande, en Morbihan. À cette époque, vers le milieu du XVIIe siècle, une grande confusion s'était répandue dans l'ordre de la noblesse. Des titres et des noms avaient été usurpés. Louis XIV prescrivit une enquête afin de remettre chacun dans son droit. Christophe fut maintenu sur preuve de sa noblesse d'ancienne extraction, dans son titre et dans la possession de ses armes, par arrêt de la chambre établie à Rennes pour la réformation de la noblesse de Bretagne. Cet arrêt fut rendu le 16 septembre 1669, en voici le texte. Arrêt de la chambre établie par le roi, Louis XIV, pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne, rendu le 16 septembre 1669. Entre le procureur général du roi et M. Christophe de Châteaubriant, sieur de la Guérande, lequel déclare le dit Christophe issu d'ancienne extraction noble, lui permet de prendre la qualité de chevalier et le maintient dans le droit de porter pour arme de gueules semées de fleurs de lys d'or sans nombre, et ce après production par lui faite de ses titres authentiques, desquels il a pair, etc., etc., le dit arrêt signé Malesco. Cet arrêt constate que Christophe de Châteaubriant, de la Guérande, descendait directement des Châteaubriants, sires de Beaufort. Les sires de Beaufort se rattachaient par documents historiques au premier baron de Châteaubriant. Les Châteaubriants de Villeneuve, du Plessis et de Combourg était cadet des Chateaubriand de la Guérande, comme il est prouvé par la descendance d'Amaury, frère de Michel, lequel Michel était fils de ce Christophe de la Guérande. Maintenu dans son extraction par l'arrêt ci-dessus rapporté de la réformation de la noblesse du 16 septembre 1669. Après ma présentation à Louis XVI, mon frère songea à augmenter ma fortune de cadet en me nantissant de quelques-uns de ses bénéfices appelés « bénéfices simples ». Il n'y avait qu'un seul moyen praticable à cet effet, puisque j'étais laïque et militaire, c'était de m'agréger à l'ordre de Malte. Mon frère envoya mes preuves à Malte, et bientôt après, il présenta requête en mon nom au chapitre du grand prieuré d'Aquitaine, tenu à Poitiers, aux fins qu'il fût nommé des commissaires pour prononcer d'urgence. Monsieur Pontois était alors archiviste, vice-chancelier et généalogiste de l'ordre de Malte au prieuré. Le président du chapitre était Louis-Joseph des Escotais, bailli grand prieur d'Aquitaine, ayant avec lui le bailli de Frélon, le chevalier de la Laurencie, le chevalier de Murat, le chevalier de Laujanais, le chevalier de la Bourdonnais-Montluc et le chevalier du Bouët-Thiez. La requête fut admise les 9, 10 et 11 septembre 1789. Il est dit, dans les termes d'admission du mémorial, que je méritais à plus d'un titre la grâce que je sollicitais et que des considérations du plus grand poids me rendaient digne de la satisfaction que je réclamais. Et tout cela avait lieu après la prise de la Bastille, à la veille des scènes du 6 octobre 1789 et de la translation de la famille royale à Paris. Et dans la séance du 7 août de cette année 1789, l'Assemblée nationale avait aboli les titres de noblesse. Comment les chevaliers et les examinateurs de mes preuves trouvaient-ils aussi que je méritais, à plus d'un titre, la grâce que je sollicitais, etc., moi qui n'étais qu'un chétif sous-lieutenant d'infanterie, inconnu, sans crédit, sans faveur et sans fortune. Le fils aîné de mon frère, j'ajoute ceci en 1831, à mon texte primitif écrit en 1811, le comte Louis de Chateaubriand a épousé mademoiselle d'Orglande, dont il a eu 5 filles et un garçon, celui-ci nommé Geoffroy. Christian, frère cadet de Louis, arrière-petit-fils et filleul de M. de Malesherbes, et lui ressemblant d'une manière frappante, servit avec distinction en Espagne comme capitaine dans les dragons de la garde en 1823. Il s'est fait jésuite à Rome. Les jésuites supplètent à la solitude à mesure que celle-ci s'efface de la terre. Christian vient de mourir à Chieri, près Turin. Vieux et malade, je le devais devancer. Mais ses vertus l'appelaient au ciel avant moi qui ai encore bien des fautes à pleurer. Dans la division du patrimoine de la famille, Christian avait eu la terre de Malesherbes et Louis la terre de Combourg. Christian, ne regardant pas le partage égal comme légitime, voulut, en quittant le monde, se dépouiller des biens qui ne lui appartenaient pas et les rendre à son frère aîné. À la vue de mes parchemins, il ne tiendrait qu'à moi, si j'héritais de l'infatuation de mon père et de mon frère, de me croire cadet des ducs de Bretagne, venant de Thiernes, petit-fils d'Alain III. Ces 10 Chateaubriand auraient mêlé 2 fois leur sang au sang des souverains d'Angleterre, Geoffroy IV de Chateaubriand ayant épousé en seconde noce Agnès de Laval, petite-fille du comte d'Anjou et de Mathilde, fille de Henri Ier, Marguerite de Lusignan, veuve du roi d'Angleterre et petite-fille de Louis le Gros, s'étant mariée à Geoffroy V, 12e baron de Chateaubriand. Sur la race royale d'Espagne, on trouverait Brienne, frère puiné du 9e baron de Chateaubriand, qui se serait uni à Jeanne, fille d'Alphonse, roi d'Aragon. Il faudrait croire encore, quant aux grandes familles de France, qu'Édouard de Rohan prit à femme Marguerite de Chateaubriand. Il faudrait croire encore qu'un Croé épousa Charlotte de Chateaubriand. Tinténiac, vainqueur au combat des 30, du Guesclin le connétable, aurait eu des alliances avec nous dans les 3 branches. Tiphaine du Guesclin, petite-fille du frère de Bertrand, céda à Brienne de Chateaubriand, son cousin et son héritier, la propriété du Plessis Bertrand. Dans les traités, des Chateaubriand sont donnés pour caution de la paix au roi de France, à Clisson, au baron de Vitré. Les ducs de Bretagne envoient à des Chateaubriand copies de leurs assises. Les Chateaubriand deviennent grands officiers de la couronne et des illustres dans la cour de Nantes. Ils reçoivent des commissions pour veiller à la sûreté de leur province, contre les Anglais. Brien Ier se trouve à la bataille d'Hastings. Il était fils de Don, comte de Penthièvre. Guy de Chateaubriand est du nombre des seigneurs qu'Arthur de Bretagne donna à son fils pour l'accompagner dans son ambassade auprès du pape en 1309. Je ne finirai pas si j'achevais ce dont je n'ai voulu faire qu'un court résumé. La note à laquelle je me suis enfin résolu, en considération de mes deux neveux, qui ne font pas sans doute aussi bon marché que moi de ces vieilles misères, remplacera ce que j'omets dans ce texte. Toutefois, on passe aujourd'hui un peu la borne. Il devient d'usage de déclarer que l'on est de race corvéable, qu'on a l'honneur d'être fils d'un homme attaché à la glèbe. Ces déclarations sont-elles aussi fières que philosophiques? N'est-ce pas se ranger du parti du plus fort? Les marquis, les comtes, les barons, de maintenant, n'ayant ni privilèges ni sillon, les trois quarts mourant de faim, se dénigrant les uns les autres, ne voulant pas se reconnaître, se contestant mutuellement leur naissance. Ces nobles, à qui l'on nie leur propre nom, ou à qui on ne l'accorde que sous bénéfice d'inventaire, peuvent-ils inspirer quelque crainte? Au reste, qu'on me pardonne d'avoir été contraint de m'abaisser à ces puériles récitations, afin de rendre compte de la passion dominante de mon père, passion qui fit le nœud du drame de ma jeunesse. Quant à moi, je ne me glorifie ni ne me plains de l'ancienne ou de la nouvelle société. Si dans la première j'étais le chevalier ou le vicomte de Chateaubriand, dans la seconde je suis François de Chateaubriand. Je préfère mon nom à mon titre. Monsieur mon père aurait volontiers, comme un grand terrien du Moyen-Âge, appelé Dieu le gentilhomme de là-haut, et surnommé Nicodème, le Nicodème de l'Évangile, un saint gentilhomme. Maintenant, en passant par mon géniteur, arrivons de Christophe, seigneur suzerain de la Guérande, et descendant en ligne directe des barons de Chateaubriand, jusqu'à moi, François, seigneur sans vassaux et sans argent, de la vallée au Loup. En remontant la lignée des Chateaubriand, composée de trois branches, les deux premières étant faillies, la troisième, celle des sires de Beaufort prolongée par un rameau, les Chateaubriand de la Guérande, s'appauvrit, effet inévitable de la loi du pays. Les aînés nobles emportaient les deux tiers des biens, en vertu de la coutume de Bretagne. Les cadets divisaient entre tous un seul tiers de l'héritage paternel. La décomposition du chétif estoc de ceux-ci s'opérait avec autant plus de rapidité qu'ils se mariaient, et comme la même distribution des deux tiers aux tiers existait aussi pour leurs enfants, ces cadets des cadets arrivaient promptement au partage d'un pigeon, d'un lapin, d'une canardière et d'un chien de chasse, bien qu'ils fussent toujours chevaliers, hauts et puissants seigneurs d'un colombier, d'une crapaudière et d'une garenne. On voit dans les anciennes familles nobles une quantité de cadets. On les suit pendant deux ou trois générations, puis ils disparaissent, redescendus peu à peu à la charrue ou absorbés par les classes ouvrières sans qu'on sache ce qu'ils sont devenus. Le chef de nom et d'armes de ma famille était, vers le commencement du XVIIIe siècle, Alexis de Chateaubriand, seigneur de la Guérande, fils de Michel, lequel Michel avait un frère, Amaury. Michel était fils de ce Christophe maintenu dans son extraction des sires de Beaufort et des barons de Chateaubriand par l'arrêt ci-dessus rapporté. Alexis de la Guérande était veuf. Ivrogne décidé, il passait ses jours à boire, vivait dans le désordre avec ses servantes et mettait les plus beaux titres de sa maison à couvrir des pots de beurre. En même temps que ce chef de nom et d'armes existait son cousin François, fils d'Amaury, puis né de Michel. François, né le 19 février 1683, possédait les petites seigneuries des Touches et de la Villeneuve. Il avait épousé, le 27 août 1713, Pétronie Claude de Lamour, dame de Langégut, dont il eut quatre fils. François-Henri, René, mon père, Pierre, seigneur du Plessis, et Joseph, seigneur du Parc. Mon grand-père, François, mourut le 28 mars 1729. Ma grand-mère, je l'ai connue dans mon enfance, avait encore un beau regard qui souriait dans l'ombre de ses années. Elle habitait, au décès de son mari, le manoir de la Villeneuve, dans les environs de Dinan. Toute la fortune de mon aïeul ne dépassait pas 5 000 livres de rente, dont l'aîné de ses fils emportait les deux tiers, 3 333 livres. Restaient 1 666 livres de rente pour les trois cadets, sur laquelle somme l'aîné prélevait encore le préciput. Pour comble de malheur, Ma grand-mère fut contrariée dans ses desseins par le caractère de ses fils. L'aîné François-Henri, à qui le magnifique héritage de la seigneurie de la Villeneuve était dévolu, refusa de se marier et se fit prêtre. Mais au lieu de quêter les bénéfices que son nom lui aurait pu procurer et avec lesquels il aurait soutenu ses frères, il ne sollicita rien par fierté et par insouciance. Il s'ensevelit dans une cure de campagne et fut successivement recteur de Saint-Launeuc et de Merdrignac dans le diocèse de Saint-Malo. Il avait la passion de la poésie. J'ai vu bon nombre de ses vers. Le caractère joyeux de cette espèce de noble Rabelais, le culte que ce prêtre chrétien avait voué aux muses dans un presbytère, excitait la curiosité. Il donnait tout ce qu'il avait et mourut insolvable. Le quatrième frère de mon père, Joseph, se rendit à Paris et s'enferma dans une bibliothèque. On lui envoyait tous les ans les 416 livres, son lopin de cadet. Il passa inconnu au milieu des livres, il s'occupait de recherches historiques. Pendant sa vie, qui fut courte, il écrivait chaque 1er de janvier à sa mère, seul signe d'existence qu'il ait jamais donné. Singulière destinée. Voilà mes deux oncles, l'un érudit et l'autre poète. Mon frère aîné faisait agréablement des vers. Une de mes sœurs, Madame de Farcy, avait un vrai talent pour la poésie. Une autre de mes sœurs, la comtesse Lucille, chanoinesse, pourrait être connue par quelques pages admirables. Moi, j'ai barbouillé force papier. Mon frère a péri sur l'échafaud. Mes deux sœurs ont quitté une vie de douleur après avoir langui dans les prisons. Mes deux oncles ne laissèrent pas de quoi payer les 4 planches de leur cercueil. Les lettres ont causé mes joies et mes peines, et je ne désespère pas, Dieu aidant, de mourir à l'hôpital. Ma grand-mère, s'étant épuisée pour faire quelque chose de son fils aîné et de son fils cadet, ne pouvait plus rien pour les deux autres, René, mon père, et Pierre, mon oncle. Cette famille, qui avait « semé l'or », selon sa devise, voyait de sa gentille aumière les riches abbayes qu'elle avait fondées et qui entombaient ses aïeux. Elle avait présidé les États de Bretagne comme possédant une des 9 baronnies. Elle avait signé au traité des souverains, servi de caution à Clisson, et elle n'aurait pas eu le crédit d'obtenir une sous-lieutenance pour l'héritier de son nom. Il restait à la pauvre noblesse bretonne une ressource, la marine royale. On essaya d'en profiter pour mon père, mais il fallait d'abord se rendre à Brest, y vivre, payer les maîtres, acheter l'uniforme, les armes, les livres, les instruments de mathématiques. Comment subvenir à tous ces frais? Le brevet demandé au ministre de la marine n'arriva point, faute de protecteur, pour en solliciter l'expédition. La châtelaine de Villeneuve tomba malade de chagrin. Alors mon père donna la première marque du caractère décidé que je lui ai connu. Il avait environ 15 ans. S'étant aperçu des inquiétudes de sa mère, il s'approcha du lit où elle était couchée et lui dit « Je ne veux plus être un fardeau pour vous ». Sur ce, ma grand-mère se prit à pleurer. J'ai 20 fois entendu mon père raconter cette scène. « René, répondit-elle, que veux-tu faire? Laboure ton champ. Il ne peut pas nous nourrir. Laissez-moi partir. » « Eh bien, dit la mère, va donc où Dieu veut que tu ailles. » Elle embrassa l'enfant en sanglotant. Le soir même, mon père quitta la ferme maternelle, arriva à Dinan, où une de nos parentes lui donna une lettre de recommandation pour un habitant de Saint-Malo. L'aventurier orphelin fut embarqué comme volontaire sur une goélette armée qui mit à la voile quelques jours après. La petite République malouine soutenait seule alors sur la mer l'honneur du pavillon français. La goélette rejoignit la flotte que le cardinal de Fleury envoyait au secours de Stanislas, assiégé dans Danzig par les Russes. Mon père mit pied à terre et se trouva au mémorable combat que 1500 Français, commandés par le Breton de Bréhan, comte de Plélau, livrèrent le 29 mai 1734 à 40 000 moscovites commandés par Munich. De Bréhan, diplomate, guerrier et poète, fut tué, et mon père blessé 2 fois. Il revint en France et se rembarqua. Naufragé sur les côtes de l'Espagne, des voleurs l'attaquèrent et le dépouillèrent dans la Galice. Il prit passage à Bayonne sur un vaisseau et surgit encore au toit paternel. Son courage et son esprit d'ordre l'avaient fait connaître. Il passa aux îles, il s'enrichit dans les colonies et jeta les fondements de la nouvelle fortune de sa famille. Ma grand-mère confia à son fils René son fils Pierre, M. de Chateaubriand du Plessis, dont le fils, Armand de Chateaubriand, fut fusillé par ordre de Bonaparte le vendredi saint de l'année 1809. Ce fut un des derniers gentilshommes français morts pour la cause de la monarchie. Mon père se chargea du sort de son frère, quoiqu'il eût contracté, par l'habitude de souffrir, une rigueur de caractère qu'il conserva toute sa vie. Le non ignara mali n'est pas toujours vrai. Le malheur a ses duretés comme ses tendresses. M. de Chateaubriand était grand et sec. Il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits et pairs ou glauques, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Je n'ai jamais vu un pareil regard. Quand la colère y montait, la prunelle étincelante semblait se détacher et venir vous frapper comme une balle. Une seule passion dominait mon père, celle de son nom. Son état habituel était une tristesse profonde, que l'âge augmenta, et un silence dont il ne sortait que par des emportements. Avare dans l'espoir de rendre à sa famille son premier éclat, hautain aux états de Bretagne avec les gentilshommes, dur avec ses vassaux à Combourg, taciturne, despotique et menaçant dans son intérieur, ce qu'on sentait en le voyant, c'était la crainte. S'il eût vécu jusqu'à la Révolution, et s'il eût été plus jeune, il aurait joué un rôle important, ou se serait fait massacrer dans son château. Il avait certainement du génie. Je ne doute pas qu'à la tête des administrations ou des armées, il n'eût été un homme extraordinaire. Ce fut en revenant d'Amérique qu'il songea à se marier. Né le 23 septembre 1718, il épousa à 35 ans, le 3 juillet 1753, Apolline Jeanne Suzanne de Bédée, née le 7 avril 1726, et fille de Messire Ange Annibal, comte de Bédée, seigneur de la Bouët-Ardet. Il s'établit avec elle à Saint-Malo, dont ils étaient nés l'un et l'autre à 7 ou 8 lieues, de sorte qu'ils apercevaient de leur demeure l'horizon sous lequel ils étaient venus au monde. Mon aïeule maternelle, Marie-Anne de Ravenel de Boisteilleul, dame de Bédée, née à Rennes le 16 octobre 1698, avait été élevée à Saint-Cyr dans les dernières années de Madame de Maintenon. Son éducation s'était répandue sur ses filles. Ma mère, douée de beaucoup d'esprit et d'une imagination prodigieuse, avait été formée à la lecture de Fénelon, de Racine, de Madame de Sévigné, et nourrie des anecdotes de la cour de Louis XIV. Elle savait tout Cyrus par cœur. Apolline de Bédée, avec de grands traits, était noire, petite et laide. L'élégance de ses manières, l'allure vive de son humeur, contrastaient avec la rigidité et le calme de mon père. Aimant la société autant qu'il aimait la solitude, aussi pétulante et animée qu'il était immobile et froid, elle n'avait pas un goût qui ne fût opposé à ceux de son mari. La contrariété qu'elle éprouva la rendit mélancolique, de légère et gaie qu'elle était. Obligée de se taire quand elle eût voulu parler, elle s'en dédommageait par une espèce de tristesse bruyante, entrecoupée de soupirs qui interrompaient seule la tristesse muette de mon père. Pour la piété, ma mère était un ange. Ma mère accoucha à Saint-Malo d'un premier garçon qui mourut au berceau et qui fut nommé Geoffroy, comme presque tous les aînés de ma famille. Ce fils fut suivi d'un autre et de deux filles qui ne vécurent que quelques mois. Ces quatre enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfin, ma mère mit au monde un troisième garçon qu'on appela Jean-Baptiste. C'est lui qui, dans la suite, devint le petit gendre de M. de Malesherbes. Après Jean-Baptiste, naquirent quatre filles, Marie-Anne, Bénigne, Julie et Lucille, toutes quatre d'une rare beauté, et dont les deux aînés ont seuls survécu aux orages de la Révolution. La beauté, frivolité sérieuse, reste quand toutes les autres sont passées. Je fus le dernier de ces 10 enfants. Il est probable que mes 4 sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais, j'avais aversion pour la vie. Voici mon extrait de baptême. Extrait des registres de l'état civil de la commune de Saint-Malo pour l'année 1768. François-René de Chateaubriand, fils de René de Chateaubriand et de Pauline Jeanne Suzanne de Bédée, son épouse, né le 4 septembre 1768, baptisé le jour suivant par nous, Pierre-Henri Nouaille, grand vicaire de l'évêque de Saint-Malo, a été parrain Jean-Baptiste de Chateaubriand, son frère, et marraine Françoise Gertrude de Comtade, qui signe, et le père. Ainsi signé au registre, Comtade de Plouer, Jean-Baptiste de Chateaubriand, Brignon de Chateaubriand, de Chateaubriand et Nouailles, vicaire général. On voit que je m'étais trompé dans mes ouvrages. Je me fais naître le 4 octobre et non le 4 septembre. Mes prénoms sont François-René et non pas François-Auguste. La maison qu'habitaient alors mes parents est située dans une rue sombre et étroite de Saint-Malo, appelée la rue des Juifs. Cette maison est aujourd'hui transformée en auberge. La chambre où ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville, et à travers les fenêtres de cette chambre, on aperçoit une mer qui s'étend à perte de vue, en se brisant sur des écueils. J'eus pour parrain, comme on le voit dans mon extrait de baptême, mon frère, et pour marraine, la comtesse de Plouer, fille du maréchal de Contade. J'étais presque mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevé par une bourrasque annonçant l'équinoxe d'automne, empêchait d'entendre mes cris. On m'a souvent conté ces détails. Leur tristesse ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Il n'y a pas de jour où, rêvant à ce que j'ai été, je ne revois en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m'infligea la vie, la tempête dont le bruit berça mon premier sommeil, le frère infortuné qui me donna un nom que j'ai presque toujours traîné dans le malheur. Le ciel sembla réunir ces diverses circonstances pour placer dans mon berceau une image de mes destinées. En sortant du sein de ma mère, je subis mon premier exil. On me relégua à Planquette, joli village, situé entre Dinan, Saint-Malo et Lamballe. L'unique frère de ma mère, le comte de Bédé, avait bâti près de ce village le château de Montchoix. Les biens de mon aïeul maternel s'étendaient dans les environs jusqu'au bourg de Courseulles, les curiosolites des commentaires de César. Ma grand-mère, veuve depuis longtemps, habitait avec sa sœur, mademoiselle de Boisteilleul, un hameau séparé de Planquette par un pont et qu'on appelait l'abbaye, à cause d'une abbaye de bénédictins consacrée à Notre-Dame de Nazareth. Ma nourrice se trouva stérile. Une autre pauvre chrétienne me prit à son sein. Elle me voua la patronne du hameau, Notre-Dame de Nazareth, et lui promit que je porterais en son honneur le bleu et le blanc jusqu'à l'âge de 7 ans. Je n'avais vécu que quelques heures et la pesanteur du temps était déjà marquée sur mon front. Que ne me laissait-on mourir ? Il entrait dans les conseils de Dieu d'accorder aux vœux de l'obscurité et de l'innocence la conservation des jours qu'une vaine renommée menaçait d'atteindre. Ce vœu de la paysanne bretonne n'est plus de ce siècle. C'était toutefois une chose touchante que l'intervention d'une mère divine placée entre l'enfant et le ciel et partageant les sollicitudes de la mère terrestre. Au bout de 3 ans, on me ramena à Saint-Malo. Il y en avait déjà 7 que mon père avait recouvré la terre de Combourg. Il désirait rentrer dans les biens où ses ancêtres avaient passé. Ne pouvant traiter ni pour la seigneurie de Beaufort, échue à la famille de Goyon, ni pour la baronnie de Chateaubriand, tombée dans la maison de Condé, il tourna ses yeux sur Combourg, que Froissart écrit Combourg. C-O-M-B-O-U-R. Plusieurs branches de ma famille l'avaient possédé par des mariages avec les Couetquins. Combourg défendait la Bretagne dans les marches normandes et anglaises. Junken, évêque de Dole, le bâtit en 1016. La grande tour date de 1100. Le maréchal de Duras, qui tenait Combourg de sa femme, Maclovis de Couetquin, née d'une Chateaubriand, s'arrangea avec mon père. Le marquis du Halet, officier aux grenadiers à cheval de la garde royale, peut-être trop connu par sa bravoure, est le dernier des Couetquin Chateaubriand. Monsieur du Halet a un frère. Le même maréchal de Duras, en qualité de notre allié, nous présenta dans la suite de Louis XVI, mon frère et moi. Je fus destiné à la marine royale. L'éloignement pour la cour était naturel à tout breton, et particulièrement à mon père. L'aristocratie de nos états fortifiait en lui ce sentiment. Quand je fus rapporté à Saint-Malo, mon père était à Combourg, mon frère au collège de Saint-Brieuc. Mes 4 sœurs vivaient auprès de ma mère. Toutes les affections de celle-ci s'étaient concentrées dans son fils aîné. Non qu'elle ne chérît ses autres enfants, mais elle témoignait une préférence aveugle au jeune comte de Combourg. J'avais bien, il est vrai, comme garçon, comme le dernier venu, comme le chevalier, ainsi m'appelait-on, quelques privilèges sur mes sœurs, mais en définitive, j'étais abandonné aux mains des gens. Ma mère, d'ailleurs, pleine d'esprit et de vertu, était préoccupée par les soins de la société et les devoirs de la religion. La comtesse de Plouer, ma marraine, était son intime amie. Elle voyait aussi les parents de Maupertuis et de l'abbé Trublet. Elle aimait la politique, le bruit, le monde, car on faisait de la politique à Saint-Malo, comme les moines de Saba dans le ravin du Cédron. Elle se jeta avec ardeur dans l'affaire La Chalotais. Elle rapportait chez elle une humeur grondeuse, une imagination distraite, un esprit de parcimonie, qui nous empêchèrent d'abord de reconnaître ses admirables qualités. Avec de l'ordre, ses enfants étaient tenus sans ordre. Avec de la générosité, elle avait l'apparence de l'avarice. Avec de la douceur d'âme, elle grondait toujours. Mon père était la terreur des domestiques, ma mère le fléau. De ce caractère de mes parents sont nés les premiers sentiments de ma vie. Je m'attachai à la femme qui prit soin de moi, excellente créature appelée la Villeneuve, dont j'écris le nom avec un mouvement de reconnaissance et les larmes aux yeux. La Villeneuve était une espèce de surintendante de la maison, me portant dans ses bras, me donnant à la dérobée tout ce qu'elle pouvait trouver, essuyant mes pleurs, m'embrassant, me jetant dans un coin, me reprenant et marmottant toujours « C'est celui-là qui ne sera pas fier, qui a bon cœur, qui ne rebute point les pauvres gens. Tiens, petit garçon !» Et elle me bourrait de vin et de sucre. Mes sympathies d'enfant pour la Villeneuve furent bientôt dominées par une amitié plus digne. Lucille, la quatrième de mes sœurs, avait 2 ans de plus que moi. Cadette délaissée, sa parure ne se composait que de la dépouille de ses sœurs. Qu'on se figure une petite fille maigre, trop grande pour son âge, bras dégingandés, air timide, parlant avec difficulté et ne pouvant rien apprendre. Qu'on lui mette une robe empruntée à une autre taille que la sienne, renfermée sa poitrine dans un corps piqué dont les pointes lui faisaient des plaies aux côtés. Soutenait son cou par un collier de fer garni de velours brun, retroussait ses cheveux sur le haut de sa tête, rattachez-les avec une toque d'étoffe noire, et vous verrez la misérable créature qui me frappa en rentrant sous le toit paternel. Personne n'aurait soupçonné dans la chétive Lucille les talents et la beauté qui devaient un jour briller en elle. Elle me fut livrée comme un jouet. Je n'abusais point de mon pouvoir. Au lieu de la soumettre à mes volontés, je devins son défenseur. On me conduisait tous les matins avec elle chez les sœurs Coupard, 2 vieilles bossues, habillées de noir, qui montraient à lire aux enfants. Lucille lisait fort mal, je lisais encore plus mal. On la grondait, je griffais les sœurs, grande plainte portée à ma mère. Je commençais à passer pour un vaurien, un révolté, un paresseux, un âne, enfin. Ces idées entraient dans la tête de mes parents. Mon père disait que tous les chevaliers de Chateaubriand avaient été des fouetteurs de lièvres, des ivrognes et des querelleurs. Ma mère soupirait et grognait en voyant le désordre de ma jaquette. Tout enfant que j'étais, le propos de mon père me révoltait. Quand ma mère couronnait ses remontrances par l'éloge de mon frère qu'elle appelait un caton, un héros, je me sentais disposé à faire tout le mal qu'on semblait attendre de moi. Mon maître d'écriture, M. Desprez, à perruque de matelot, n'était pas plus content de moi que mes parents. Il me faisait copier éternellement, d'après un exemple de sa façon, ces 2 vers que j'ai pris en horreur, non à cause de la faute de langue qui s'y trouve. « C'est à vous, mon esprit, à qui je veux parler. Vous avez des défauts que je ne puis sceller. » Il accompagnait ses réprimandes de coups de poing qu'il me donnait dans le cou en m'appelant « tête d'achocre ». Voulait-il dire « achor » Je ne sais pas ce que c'est qu'une tête d'achocre, mais je la tiens pour effroyable. Fin de la section 4.